Mon cher, cher Eric, peut-être as-tu quand même été mon seul ami, car je n'en ai jamais eu. Quel dommage que tu aies fait si peu de cas de l'amitié. J'aurais voulu te raconter bien des choses. Peut-être nous serions-nous accordés. On ne peut pas savoir. Je me rappelle qu'on faisait alors ton portrait. Grand-père avait fait venir quelqu'un qui te peignait tous les matins pendant une heure. Je ne me rappelle plus la tête de ce peintre, j'ai oublié son nom, bien que Mathilde Brahe le répéta à tout moment. T'as-t-il vu comme je te vois? Tu portais un costume en velours de couleur héliotrope. Mathilde Brahe adorait ce costume. Mais qu'importe cela à présent? Je voudrais seulement savoir s'il t'a vu. Supposons qu'il ait été un véritable peintre. Supposons qu'il n'ait pas pensé que tu pourrais mourir avant qu'il eût terminé, qu'il n'ait pas du tout envisagé son travail sous un angle sentimental, qu'il ait simplement travaillé, que la dissemblance de tes deux yeux bruns l'ait ravi, qu'il n'ait pas eu un seul instant honte de ton œil immobile, qu'il ait eu la délicatesse de ne rien ajouter sur la table près de ta main qui peut-être s'appuyait légèrement. Supposons tout le reste encore qui est nécessaire, et admettons-le. Il y aurait alors un portrait, ton portrait dans la galerie du Mecloster, un portrait qui serait le dernier. Et lorsqu'on est déjà sur le point de partir et que l'on a tout vu, il y a encore là un enfant. Un instant, qui est cela? Un Brahe, voix de sable aux pales d'argent, et les plumes de paon au cimier. Et voici aussi le nom, Éric Brahe. N'est-ce pas un Éric Brahe qui a été condamné à mort? Parbleu, oui, bien entendu. Qui ignore cela? Mais il ne peut sans doute s'agir de lui. Cet enfant est mort tout jeune. Peu importe quand, ne le vois-tu pas? Lorsqu'il y avait des visites et qu'on appelait Éric, Mademoiselle Mathilde Brahe assurait chaque fois qu'il ressemblait singulièrement à la vieille comtesse Brahe, ma grand-mère. On dit qu'elle fut une très grande dame. Je ne l'ai pas connue. En revanche, je me rappelle fort bien la mère de mon père, la véritable maîtresse d'Ulsgaard. Elle avait sans doute toujours gardé sa place, bien qu'elle en voulût à maman d'être entrée dans la maison, comme l'épouse du capitaine des chasses. Depuis lors, elle faisait semblant de s'effacer de plus en plus et renvoyait pour chaque détail les domestiques à maman. Mais lorsqu'il s'agissait d'affaires importantes, elle tranchait et disposait tranquillement, sans rendre compte à personne de ses décisions. Je crois bien d'ailleurs que maman ne désirait pas qu'il en fût autrement. Elle était si peu faite pour surveiller une grande maisonnée. Elle était incapable de distinguer les choses qui avaient de l'importance de celles qui n'en avaient pas. À l'instant où on lui parlait d'une chose, celle-ci devenait tout pour maman. Et elle en oubliait le reste, alors que cependant, il ne cessait pas d'exister. Elle ne se plaignait jamais de sa belle-mère. Et à qui s'en serait-elle plainte? Père était un fils respectueux et grand-père n'avait que peu à dire. Madame Margaret Briguet, aussi loin qu'il m'en souvient, avait toujours été une vieille femme inabordable et très haute de taille. Je ne peux admettre qu'elle n'ait été beaucoup plus âgée que le chambellan. Elle vivait sa vie au milieu de nous, sans prendre d'égard pour personne. Elle n'avait besoin de personne. Il y avait toujours une sorte de dame de compagnie, une certaine comtesse Oxé, déjà vieille, et qu'elle avait, par je ne sais quel bienfait, infiniment obligée. Ce devait être d'ailleurs une exception remarquable dans sa vie, car les bienfaits d'habitude n'entraient pas dans sa manière. Elle n'aimait pas les enfants, et les animaux n'osaient pas l'approcher. Je ne sais si elle aimait quelque autre chose. On racontait qu'elle avait aimé comme jeune fille le beau Félix Lichnowsky, qui mourut à Francfort en des circonstances si cruelles. Et en effet, après sa mort, on trouva un portrait du prince, qui, si je ne me trompe, a été rendu à la famille. Peut-être, songeais-je à présent, oubliait-elle dans cette vie retirée et rustique qu'avait fini par devenir de plus en plus la vie à Ulsgaard, un autre genre d'existence plus brillant et qui lui eût naturellement convenu. Il est difficile de dire si elle regrettait ce dernier. Peut-être le méprisait-elle, parce qu'il n'était pas venu, parce que cette vie-là avait manqué l'occasion d'être vécue avec talent et habileté. Madame Margaret Briguet avait refoulé cela au fond d'elle-même, et l'avait recouvert de plusieurs couches, dures, à l'éclat un peu métallique, et dont le contact éveillait toujours une sensation de fraîcheur et de nouveauté. Parfois, cependant, sa naïve impatience la trahissait, lorsque, par exemple, on ne lui prêtait pas une attention suffisante. De mon temps, il arrivait alors subitement à table qu'elle avala de travers, de quelque manière clairement visible et compliquée, qu'il l'assurait de l'intérêt attentif de tous, et, pour un instant du moins, la faisait paraître aussi sensationnelle et captivante qu'elle eût voulu l'être en grand. Cependant, je crois que mon père était le seul qui prit au sérieux ces incidents trop fréquents. Il la regardait, poliment penchée en avant, on lisait sur son visage qu'il lui offrait, en quelque sorte en pensée et sans réserve, son propre gosier, au fonctionnement normal. Bien entendu, le chambellan avait lui aussi cessé de manger. Il prenait une petite gorgée de vin et s'abstenait de toute observation. Une seule fois, il avait soutenu à table son opinion à l'encontre de celle de sa femme. Il y avait longtemps de cela, mais on répétait quand même encore toujours cette histoire, malicieusement et en secret. Il y avait presque partout quelqu'un qui ne l'avait pas encore entendu. On prétendait que, à une certaine époque, la femme du chambellan pouvait s'emporter à cause d'une simple tache de vin sur la nappe, et qu'une telle tache, à quelque occasion qu'on s'en fût rendu coupable, ne lui échappait jamais et était aussitôt, en quelque sorte, révélée à tous par le blâme très violent qu'elle déversait sur son auteur. Pareille chose était arrivée un jour qu'on avait pour hôte plusieurs personnages de marque. Quelques innocentes tâches, dont elle exagéra l'importance, servirent de prétexte à des accusations sarcastiques, et grand-père avait beau s'efforcer de la rappeler à l'ordre, par de petits signes et des interruptions facétieuses, elle poursuivait avec entêtement ses reproches qu'elle dut, il est vrai, l'instant d'après interrompre au milieu de sa phrase. Il arriva en effet une chose inouïe et tout à fait incompréhensible. Le chambellan s'était fait donner le vin rouge qui faisait justement le tour de la table, et au milieu de l'attention générale, il était en train de remplir son verre lui-même. Sauf que, chose étrange, il ne cessa pas de verser. Lorsqu'il eut depuis longtemps rempli, et dans le silence croissant, continuait à verser lentement et prudemment, jusqu'à ce que maman, qui ne pouvait jamais se contenir, éclata de rire et classa ainsi toute l'affaire du côté plaisanterie. Car tous, aussitôt soulagés, firent chorus, et le chambellan leva les yeux et tendit la bouteille au domestique. Cependant, une autre manie s'empara de grand-mère. Elle ne pouvait plus supporter que quelqu'un tombât malade dans la maison. Un jour que la cuisinière s'était blessée, et qu'elle la vit par hasard avec la main pansée, elle prétendit sentir le iodoforme dans toute la maison, et on eut du mal à la persuader qu'on ne pouvait pas, pour cette seule raison, congédier cette femme. Elle ne voulait pas que quelque chose lui rappelât qu'elle-même pouvait tomber malade. Quelqu'un avait-il l'imprudence de manifester devant elle n'importe quel petit malaise, que ce n'était ni plus ni moins qu'une offense personnelle dont elle vous gardait longtemps rancune. Cet automne, donc, où maman mourut, la femme du chambellan s'enferma tout à fait dans son appartement avec Sophie Oxé et rompit toute relation avec nous. Son fils même n'était plus reçu. Il est vrai que cette mort était venue très mal à propos. Les chambres étaient froides, les poêles fumaient, les souris s'étaient introduites dans la maison. Nulle part on était à l'abri d'elles. Mais il n'y avait pas que cela. Madame Margaret Brigg était indignée que maman mourût, qu'il y eût là, à l'ordre du jour, un sujet dont elle refusait de parler, que la jeune femme eût usurpé sa préséance, à elle qui le comptait mourir que dans un délai tout à fait indéterminé, car elle pensait souvent qu'elle devait mourir. Mais elle ne voulait pas être pressée. Certes, elle mourrait quand il lui plairait, et ensuite tous pourraient mourir à leur tour, sans gêne, les uns après les autres, s'ils avaient tant de hâte. Mais elle ne nous pardonna jamais complètement la mort de maman. Elle vieillit d'ailleurs rapidement durant l'hiver qui suivit. En marchant, elle était toujours encore grande, mais dans le fauteuil elle s'affaissait, et son ouïe devenait dure. On pouvait s'asseoir près d'elle et la regarder, avec de grands yeux durant des heures. Elle ne le sentait pas. Elle était enfoncée quelque part en elle-même. Elle ne revenait que rarement, et pour de brefs instants, dans ses sens qui étaient vides, qu'elle n'habitait plus. Alors elle disait quelques mots à la comtesse qui lui redressait sa mantille, et de ses grandes mains fraîchement lavées, amenait sa robe sous elle, comme si l'on avait répandu de l'eau ou comme si nous n'étions pas très propres. Elle mourut aux approches du printemps, en ville, une nuit. Sophie Oxé, dont la porte était ouverte, n'avait rien entendu. Lorsqu'on trouva Madame Margaret Brigg au matin, elle était froide comme du verre. Aussitôt après commença la grande et terrible maladie du chambellan. C'était comme s'il avait attendu la fin de sa femme pour mourir sans égard, avec autant de violence qu'il était nécessaire. C'est en l'année qui suivit la mort de maman que j'aperçus pour la première fois Abelone. Abelone était toujours là. C'était même son tort le plus grave. Et puis, Abelone n'était pas sympathique.

de gueules à bandes d'azur, aux trois lunes d'argent. As-tu vu? Veux-tu commencer par la première? Elle nourrit un faucon, voit ses vêtements somptueux. L'oiseau est sur sa main gantée et bouge. Elle le regarde et en même temps, pour lui tendre quelque chose, plonge la main dans une coupe que la domestique lui apporte. À droite en bas, sur sa traîne, se tient un petit chien, au poil soyeux, qui lève la tête et espère qu'on se souviendra de lui. Et as-tu vu? Une roseraie basse enclôt l'île par derrière. Les animaux se dressent avec un orgueil héraldique. Les armes de leur maîtresse se répètent sur leur mantelet qu'une belle agrafe retient, et flotte. Ne s'approche-t-on pas, malgré soi, plus silencieusement, de l'autre tapisserie, dès qu'on a vu combien la femme est plus profondément absorbée en elle-même? Elle tresse une couronne, une petite couronne ronde de fleurs. Pensive, elle choisit la couleur du prochain œillet, dans le bassin plat, que lui tend la servante, et tout en louant le précédent. Derrière elle, sur un banc, il y a un panier de roses qu'un singe a découvert. Mais il est inutile cette fois, c'est des œillets qu'il fallait. Le lion ne prend plus part, mais à droite la licorne comprend. Ne fallait-il pas qu'il y eût de la musique dans ce silence? N'est-elle pas déjà secrètement présente? Gravement et silencieusement ornée, la femme s'est avancée. Avec quelle lenteur, n'est-ce pas? Vers l'orgue portatif et elle en joue, debout. Les tuyaux la séparent de la domestique qui, de l'autre côté de l'instrument, actionne les soufflets. Je ne l'ai jamais vue si belle. Étrange est sa chevelure, réunie sur le devant en deux tresses qui sont nouées au-dessus de la tête et s'échappent du nœud comme un court panache. Contrarié, le lion supporte les sons, malaisément, en contenant son envie de hurler. Mais la licorne est belle, comme agitée par des vagues. L'île s'élargit, une tente est dressée, de damas bleus et flammés d'or. Les bêtes l'ouvrent et, presque simple dans son vêtement princier, elle s'avance. Car que sont ces perles auprès d'elle? La suivante a ouvert un petit étui, et à présent elle en tire une chaîne, un lourd et merveilleux bijou qui était toujours enfermé. Le petit chien est assis près d'elle, surélevé, à une place qu'on lui a ménagée, et le regarde. Et as-tu découvert le verset en haut de la tente? Tu peux y lire « À mon seul désir ». Qu'est-il arrivé? Pourquoi le petit lapin saute-t-il là en bas? Pourquoi voit-on immédiatement qu'il saute? Tout est si troublé. Le lion n'a rien à faire. Elle-même tient la bannière. Où s'y cramponne-t-elle? De l'autre main, elle touche la corne de la licorne. Est-ce un deuil? Le deuil peut-il rester ainsi debout? Et une robe de deuil peut-elle être aussi muette que ce velours noir-vert et par endroits fané? Mais une fête vient encore. Personne n'y est invité. La tente n'y joue aucun rôle. Tout est là. Tout pour toujours. Le lion se retourne, presque menaçant. Personne n'a le droit de venir. Nous ne l'avons jamais vue lasse. Est-elle lasse? Ou ne s'est-elle reposée que parce qu'elle tient un objet lourd? On dirait un ostensoir. Mais elle ploie son autre bras vers la licorne et l'animal se cabre, flatté et monte et s'appuie sur son giron. C'est un miroir qu'elle tient. Vois-tu? Elle montre son image à la licorne. Abélone, je m'imagine que tu es là. Comprends-tu, Abélone? Je pense que tu dois comprendre. Et voici que les tapisseries de la dame à la licorne ont, elles aussi, quitté le vieux château de Boussac. Le temps est venu où tout s'en va des maisons et elles ne peuvent plus rien conserver. Le danger est devenu plus sûr que la sécurité même. Plus personne de la lignée des délivistés ne marche à côté de vous et ne porte sa race dans le sang. Tous ont vécu. Personne ne prononce ton nom. Pierre d'Aubusson, grand maître parmi les grands d'une maison très ancienne, par la volonté de qui, peut-être, fut retissée ces images, qui tout ce qu'elles montrent, le célèbre, mais ne la livre pas. Ah, pourquoi donc les poètes se sont-ils exprimés autrement sur les femmes, plus littéralement, croyaient-ils? Il est bien certain que nous n'aurions dû savoir que ceci. Et voici que le hasard, parmi des passants de hasard, nous conduit ici. Et nous nous effrayons presque de n'être pas des invités. Mais il y a là d'autres passants encore, du reste peu nombreux. C'est à peine si les jeunes gens s'y arrêtent, à moins que, par hasard, leurs études les obligent à avoir vu ces choses, une fois pour tel ou tel détail. Cependant, on y rencontre parfois des jeunes filles, car il y a dans les musées beaucoup de jeunes filles qui ont quitté, ici ou là, des maisons qui ne contenaient plus rien. Elles se trouvent devant ces tapisseries et s'y oublient un peu de temps. Elles ont toujours senti que cela a dû exister quelque part. Une telle vie adoucie en gestes lents que personne n'a jamais complètement éclairci. Et elles se rappellent obscurément qu'elles crurent eux-mêmes pendant quelque temps que telle serait leur vie. Mais aussitôt, elles ouvrent un cahier tiré de quelque part et commence à dessiner n'importe quoi. Une fleur, des tapisseries ou quelques petites bêtes toutes réjouies. Peu importe ce que c'est, leur a-t-on dit. Et en effet, qu'à cela ne tienne. L'essentiel, c'est qu'on dessine. Car c'est pour cela qu'elles sont parties un jour de chez elles, de vive force. Elles sont de bonne famille. Mais lorsqu'elles lèvent les bras pour dessiner, il apparaît que leur robe n'est pas boutonnée sur le dos, ou du moins ne l'est pas entièrement. Il y a là quelques boutons qu'on a pu atteindre. Car lorsque cette robe avait été faite, on n'avait pas encore pensé qu'on dût ainsi s'en aller subitement, toute seule. Dans les familles, il y a toujours quelqu'un pour fermer des boutons. Mais ici, mon Dieu, qui pourrait se soucier de cela dans une ville aussi grande? À moins peut-être que l'on ait une amie. Mais les amis sont dans la même situation, et l'on finirait alors quand même par se boutonner ses vêtements les unes aux autres. Or cela, n'est-ce pas, serait ridicule, et vous ferait penser à la famille qu'on ne veut pas se rappeler. Il est cependant inévitable qu'on se demande parfois, tout en dessinant, s'il n'eût pas été possible qu'on restât chez soi. Si l'on avait pu être pieuse, franchement pieuse, en se conformant à l'allure des autres. Mais il semblait si absurde de tenter d'être cela en commun. La route, je ne sais comment, s'est rétrécie. Les familles ne peuvent plus aller à Dieu. Il ne reste donc que quelques autres domaines que l'on pouvait au besoin se partager. Mais pour peu qu'on le fît honnêtement, il restait si peu pour chacun séparément que c'en était honteux. Et si l'on essayait de tromper les autres, cela finissait par des disputes. Non vraiment, mieux vaut dessiner n'importe quoi. Avec le temps, la ressemblance apparaîtra d'elle-même. Et l'art, quand on l'acquiert ainsi, peu à peu, est somme toute un bien très enviable. Et tandis qu'elles ont l'attention tout occupée par leur travail, ces jeunes filles ne songent plus à lever les yeux. Et elles ne s'aperçoivent pas que, malgré tout leur effort de dessiner, elles ne font cependant qu'étouffer en elles la vie immuable qui est ouverte devant elles dans les images tissées, rayonnantes et ineffables. Elles ne veulent pas le croire. À présent que tant de choses se transforment, elles veulent changer, elles aussi. Elles ne sont pas éloignées de faire l'abandon d'elles-mêmes et de penser de soi à peu près comme les hommes parlent d'elles lorsqu'elles ne sont pas présentes. Et cela leur semble un progrès. Elles sont déjà presque convaincues que l'on cherche une jouissance, et puis une autre, plus forte encore, que la vie consiste en cela, si l'on ne veut pas stupidement la perdre. Elles ont déjà commencé à se retourner et à chercher, elles dont la force avait consisté jusque-là en ceci, qu'on devait les trouver. Cela vient, je pense, de ce qu'elles sont fatiguées. Durant des siècles, elles ont accompli tout l'amour, elles ont joué les deux parties du dialogue, car l'homme ne faisait que répéter, et mal. Et il le rendait difficile leur effort d'apprendre par sa distraction, par sa négligence, par sa jalousie, qui était elle-même une manière de négligence. Elles ont cependant persévéré jour et nuit, et elles se sont accrues en amour et en misère. Et d'entre elles ont surgi sous la pression de détresse sans fin ces aimantes inouïes qui, tandis qu'elles l'appelaient, surpassaient l'homme, qui grandissaient et se levaient plus haut que lui quand il ne revenait pas, comme Gaspard Astampa ou comme la Portugaise, et qui n'avaient de cesse que leur torture eût brusquement tourné en une splendeur amère glacée que rien ne pouvait plus arrêter. Nous savons de celle-ci et de celle-là, parce qu'il y a des lettres qui se sont comme par miracle conservées, ou des livres de poèmes plaintifs ou accusateurs, ou des portraits qui, dans quelques galeries, nous regardent à travers une envie de pleurer, et que le peintre a réussi parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Mais elles ont été innombrables, celles dont les lettres ont été brûlées, et d'autres qui n'avaient plus la force de les écrire, des matrones qui s'étaient durcies avec une moelle de délices qu'elles cachaient, des femmes informes qui, devenues fortes par l'épuisement, se laissaient devenir peu à peu semblables à leur mari, et dont l'intérieur était cependant tout différent, là où leur amour avait travaillé, dans l'obscurité, des femmes enceintes qui ne voulaient pas l'être, et qui, lorsqu'elles mouraient enfin après la 8e naissance, avaient encore les gestes et la légèreté des jeunes filles qui se réjouissent de connaître l'amour. Et celles qui restaient à côté de démons ou d'ivrognes, parce qu'elles avaient trouvé le moyen d'être en elles-mêmes plus loin d'eux qu'en nul autre lieu. Et lorsqu'elles se trouvaient parmi les gens, elles ne pouvaient s'en cacher, et rayonnaient comme si elles n'avaient vécu qu'avec des bienheureux. Qui dira combien et qui elles furent? C'est comme si elles avaient d'avance détruit les mots avec lesquels on pourrait les saisir. Mais à présent que tout devient différent, notre tour n'est-il pas venu de nous transformer? Ne pourrions-nous essayer de nous développer un peu et de prendre peu à peu sur nous notre part d'effort dans l'amour? On nous a épargné toute sa peine, et c'est ainsi qu'il a glissé à nos yeux parmi les distractions, comme tombe parfois dans le tiroir d'un enfant un morceau de dentelle véritable, et lui plaît et cesse de lui plaire. Il reste là parmi des choses brisées et défaites, plus mauvais que tout. Nous sommes corrompus par la jouissance superficielle, comme tous les dilettantes, et nous sommes censés posséder la maîtrise. Mais qu'arriverait-il si nous méprisions nos succès? Quoi si nous recommencions depuis l'origine à apprendre le travail de l'amour qui a toujours été fait pour nous? Quoi si nous allions et si nous étions des débutants, à présent que tant de choses se prennent à changer? Et voici que je sais de nouveau ce qui arrivait lorsque maman déroulait les petites pièces de dentelle, car elle avait occupé pour ses besoins un seul des tiroirs de secrétaire d'Ingeborg. « Voulons-nous les regarder, Malte ? » disait-elle, et elle se réjouissait, comme si l'on allait lui faire cadeau de tout ce que contenait le petit casier en laque jaune. Et puis elle ne pouvait même plus, tant son impatience était grande, déplier le papier de soie. Chaque fois, je devais m'en acquitter à sa place. Mais moi aussi j'étais tout agité lorsque les dentelles apparaissaient. Elles étaient enroulées autour d'un cylindre en bois que l'épaisseur de dentelle empêchait de voir. Et voici que nous les défaisions lentement et que nous regardions les dessins se dérouler et que nous nous effrayions un peu chaque fois que l'un d'eux prenait fin. Il s'arrêtait si soudainement. D'abord venaient des bandes de travail italien, des pièces coriaces au fil tiré dans lesquelles tout se répétait sans cesse avec une claire évidence, comme dans un jardin de paysans. Et puis tout à coup une longue série de nos regards était grillagée de dentelles à l'aiguille vénitienne, comme si nous étions des cloîtres ou bien des prisons. Mais l'espace redevenait libre, et l'on voyait loin, au fond des jardins qui se faisaient toujours plus artificiels, jusqu'à ce que tout devant les yeux devint touffu et tiède, ainsi que dans une serre. Des plantes fastueuses que nous ne connaissions pas étalaient des feuilles immenses, des lianes étendaient leurs bras les unes vers les autres, comme si un vertige les avait menacées, et les grandes fleurs ouvertes des points d'Alençon troublaient tout de leur pollen répandu. Soudain, épuisé et troublé, l'on était dehors, et l'on prenait pied dans la longue piste des Valenciennes, et c'était l'hiver, de grand matin, et il y avait du givre. Et l'on se poussait à travers les fourrés couverts de neige des Binchers, et l'on parvenait à des endroits où personne encore n'avait marché. Les branches se penchaient si singulièrement vers le sol. Il y avait peut-être une tombe là-dessous, mais nous nous le dissimulions l'un à l'autre. Le froid se serrait toujours plus étroitement contre nous. Et maman finissait par dire, lorsque venaient les toutes filles de pointe à fuseau, « Oh, à présent, nous allons avoir des cristaux de glace aux yeux !» Et c'était bien vrai, car au-dedans de nous, il faisait très chaud.